En Corée, on a nouvellement enregistré le rite d'offrande à Dangun, fondateur de la nation coréenne, sur la liste du patrimoine national non matériel. Dangun est fondateur de la Corée et la Corée antique, premier état esclavagiste, est renommée comme une puissance occupant un immense espace territorial de l'Orient. Depuis longtemps, le rite pour Dangun se déroule le 3 octobre, connu comme le jour de sa naissance, devant son tombeau, les chapelles et d'autres endroits liés à ses vestiges. Le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il ont fait vérifier l'existence de Dangun qui risquait de disparaître dans l'histoire à cause des manœuvres barbares des impérialistes japonais et des historiens réactionnaires, ainsi qu'à cause de la corruption et de l'incapacité des gouverneurs de la dynastie féodale coréenne. Après la vérification scientifique de son existence par la découverte de ses restes, les leaders coréens ont fait réaménager majestueusement son tombeau en tant que nécropole du fondateur de la nation coréenne. Au tombeau de Dangun, qui se trouve à Gangdong de Pyongyang, il y a chaque année la fête commémorative de la fondation de la Corée, souhaitant la réalisation rapide de la réunification de la patrie.